Salut, c'est Mike L'Écuyer pour l'émission Blues Covers. I went down to old Joe's bar on the corner by the square. All the men were having drinks, same as usual. And the same old crowd was there. On my left stood my good friend Joseph McKinley. Oh, his eyes were bloodshot and red, and he turned to the people standing by him, and he's out of words. She was dead. C'est donc le Blues Covers consacré à St. James Infirmary Blues, deuxième partie. Vous venez d'entendre les Animals avec M. Eric Burdon, bien sûr au chant, en 1968. Cette même année, ils ont publié deux 33 tours, l'un contenant ce fameux St. James Infirmary et l'autre une de mes chansons préférées, Sky Pilot. Si vous ne la connaissez pas, cherchez sur YouTube, c'est paru en simple et la chanson était tellement longue que c'est paru sur les deux faces du single. Chanson coupée en deux, quoi. Voilà, et oui, c'était comme ça à l'époque. Revenons à St. James Infirmary. Nous allons faire un petit tour d'horizon d'artistes européens. Et puis pour terminer, un artiste québécois. On commence avec Big Mama en 2000, une espagnole. It was down by old Joe's barroom on the corner at the square. They were serving drinks as usual and the usual crowd was there. On my left, two big Joe McCandy. His eyes were blanche and red, turned his face to the people, and these are the words he said. So I went down to St. James Infirmary. When I die, please bury me on my high top steps and hair. Put a gold piece in my watch chain. De la Belgique, c'est Froide Bise en 2001 qui fait une adaptation en français, L'Hôpital Saint-Jacques, une version éthérée, un petit peu jazzy. C'est ma version préférée, Froide Bise. « suis arrivé à l'hôpital Saint-Jacques et j'ai vu mon ami raide morte couché sur une table si belle, si pâle, sans vie. Laisse-la partir, laisse s'envoler son âme. Aussi haut qu'elle puisse aller, s'il y a quelqu'un au-delà des nuages, il ne pourra sûrement pas la rater. Quand je mourrai, je veux que tu me sapes comme un riche costard noir et pompe cirée, quelques gros billets qui dépasseront de mes poches feront croire à tous que j'y étais arrivé. Retour en Espagne avec Gaby Jojex, ou Jorex, je ne sais pas trop comment on dit, en 2006. Il a proposé une version, on va dire, acoustique, au piano principalement, et puis une version électrifiée, très rock et instrumentale. Alors je vous propose la version calme, cool, au piano, Gaby Jojex. infirmary. To see my babe, to see my baby there. She was lying on the long white table, so sweet, so cool, so full. And then I went up to see the doctor. She's very low, she's very low, he said. I went back to see him, babe. Great God, she was lying there. Down to just born. On the corner by the square, they were serving the drinks as usual. And the usual crowd like me. Et on termine avec un cousin québécois, Kevin Mark, en 2007, extrait de son album Cutting Loose, St. James Infirmary, bien sûr. Bye bye et à la prochaine. die, please bury me in a high top Stetson hearse. Put a $50 gold piece on my pop's chain, so the boys will know that I died standing tall. Get six gamblers to carry my coffin. Get me six chorus girls to sing my song. Put a red hot jazz band on my table, is the end of my story. So let's have another shot of booze. And if anyone should ever ask you, tell them I've got those St. James in me. c'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo.